Bonjour tout le monde, les communes luxembourgeoises informées en cas de blackout électrique. Le gouverneur Olivier Schmitz a réuni les bourgmestres luxembourgeois pour leur présenter les mesures à prendre en cas d'interruption d'approvisionnement électrique face au risque de pénurie d'électricité et suite aux recommandations reçues du centre de crise fédéral. Le gouverneur Olivier Schmitz a prévu un plan particulier d'intervention baptisé « Interruption de l'approvisionnement en électricité à grande échelle de la province de Luxembourg ». Le but est de se préparer au cas où, tout en évitant toute psychose. Peste porcine africaine, plus d'un million d'euros ont déjà été versés aux éleveurs dans le cadre de l'indemnisation liée aux abattages préventifs de porcs dans la zone affectée par la peste porcine, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture Denis Ducarne. L'indemnisation par le Fonds fédéral sanitaire des opérateurs qui ont dû procéder à l'abattage de leur cheptel dans la zone infectée se poursuit. À ce jour, 1 166 191,20 € ont d'ores et déjà été versés, soit environ 97% du montant total, a-t-il précisé dans un communiqué. Taux de mortalité sur la route, notre province classée 3e région de l'Union Européenne en 2016. 39 tués ont été enregistrés cette année-là sur les routes de la province du sud de la Belgique pour une population de près de quelque 283 000 habitants. Projeté sur une population d'un million d'habitants, référence Eurostat, le taux était donc de 138 décès sur la route en province de Luxembourg en 2016, soit le 3e plus élevé d'Europe derrière la région bulgare de Severodzapadon. 183 et l'Alentejo au Portugal 142. La moyenne européenne est de 50 morts sur la route par million d'habitants. Dans la nuit de samedi à dimanche, deux ressortissants français ont été arrêtés par la police avec une grande quantité d'héroïne. Les deux hommes ont été appréhendés après une course-poursuite sur l'autoroute E411 à hauteur d'Arlon. Lors d'un contrôle policier, un véhicule s'est d'abord soustrait au contrôle. Il a été ensuite pris en chasse, puis arrêté à hauteur d'Arlon. Peu avant, l'automobiliste s'était débarrassé d'un sac. Les policiers ont retrouvé ce sac sur la bande d'arrêt d'urgence, sac où se trouvait de la drogue. À cet endroit se trouvait un véhicule garé, avec à proximité un individu qui faisait semblant d'uriner. D'après le parquet du Luxembourg, il était là pour récupérer le sac en question. Et enfin, la journée de vendredi et la nuit jusqu'à samedi ont été pour les moins agitées. À Arlon, violence, drogue, bagarre générale, plusieurs personnes ont été privées de liberté. À Arlon, une altercation entre deux SDF a dégénéré. L'un a arraché un bout d'oreille à l'autre et a été privé de liberté. Durant la même journée, des mineurs suspectés de vendre du cannabis ont été privés de liberté également. L'un des deux transportait 80 grammes de cannabis. L'un est âgé de 16 ans, l'autre sera majeur dans un mois. Et puis, dans la même soirée de vendredi, deux altercations entre automobilistes a failli virer au drame. Un homme a foncé avec sa voiture sur une autre personne. La victime a su sauter en voyant la voiture arriver. Toujours est-il que ses genoux ont percuté le pare-brise. L'automobiliste sera entendu par les policiers dans la matinée. Et puis d'après le parquet, un autre fait similaire s'est déroulé dans la soirée sur le territoire de la province. Et finalement, une bagarre générale a eu lieu dans un des bowling à Arlon. Un homme connu pour ce genre de fait a été privé de liberté également. Du côté de la météo, aujourd'hui à Arlon, on annonce un temps sec tout au long de la journée avec du matin un ciel très nuageux et puis ensuite une nébulosité variable dans l'après-midi avec des maxima de 11 degrés. Demain, nous aurons d'abord un banc de brouillard local en matinée et puis ensuite le ciel deviendra peu nuageux mais le temps restera sec tout au long de la journée avec des maxima de 4 à 11 degrés. Même chose pour demain, des maxima entre 4 et 11 degrés tout au long de la journée avec en matinée un ciel serein et un ciel peu nuageux dans l'après-midi mais le temps restera sec tout au long de la journée, de quoi ravir les ennemis de la pluie. Merci d'avoir écouté ce journal et pour le réécouter, rendez-vous sur www.arl.fm et également sur www.sudinfo.be, région Luxembourg. Bonne journée à tous.